Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, la campagne de René Dumont ou l'entrée en politique de l'écologie. Le 5 mai 1974 se tient le premier tour de la présidentielle, un mois tout juste après la mort de Georges Pompidou. Pour la toute première fois, un candidat écologiste se présente. René Dumont, 70 ans, professeur d'agronomie mondialement réputé. Il a donc accepté de mener cette bataille au pied levé pour un rassemblement d'une vingtaine d'associations écolo. Car à l'époque, point de parti écologiste. Le mot ne figure même pas dans le dictionnaire Larousse, la référence. Cette candidature doit donc ouvrir la voie à la politisation des enjeux de l'environnement. Candidat iconoclaste, le professeur Dumont prône un changement radical de paradigme. Ses marottes, l'abandon d'automobiles, la désurbanisation et la limitation des naissances. Sans quoi, prophétise-t-il, le monde court à sa perte. Résultat, 1,3% des suffrages, autrement dit, rien. Parce que René Dumont est un trouble-fête, un Cassandre qui empêche les Français de consommer en rond. Or, on sait aujourd'hui à quel point ses prédictions étaient justes. René Dumont l'assume mieux que personne, on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Notre invité aujourd'hui, Antoine Lechter, membre du mouvement écologiste indépendant, candidat des Verts à l'élection présidentielle de 1988 et ancien député européen. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Héloïse Daviau, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Et vous savez ce qui va se passer ? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. À lundi, je vous dis au revoir et j'espère vous revoir pour vous expliquer notre projet global d'avenir. Merci, mes amis. Avril 1974. À la télé, les Français découvrent un candidat improbable dans le cadre de la campagne pour la présidentielle. René Dumont, l'homme au verre d'eau. Il n'est pas un professionnel de la politique et ça s'entend. Sa geste pourtant bouleverse les codes de la communication électorale. Avec sa tignasse blanche, il a un petit côté professeur Calice, vous savez, le savant fou de Tintin et de l'île mystérieuse. Il porte un pull-over rouge vif à col roulé, une audace qui va devenir sa marque de fabrique. Un technicien de RTF a bien tenté de le dissuader de porter une couleur aussi criarde à l'écran. Mais non, au contraire, intervient un autre technicien. Le rouge, ça pète, et puis ça marque les esprits. Alors, le candidat ne quitte plus ce qui devient un marqueur, et c'est bien l'objectif du professeur d'agronomie, marquer les esprits. Et surtout, populariser les idées des écologistes. Histoire d'eau et puis le vert rouge, 13 années 70, René Dumont. Et c'est donc avec lui que les défenseurs de l'environnement se lancent dans leur premier combat politique. Et René Dumont semble prendre un certain plaisir à l'exercice, alors qu'il n'a jamais rêvé d'être président de la République, même en se rasant. Et pour cause, il est là par un concours de circonstances, presque par effraction. Deux semaines plus tôt, en effet, le 2 avril 1974, les Français sont confortablement installés devant leur film des dossiers de l'écran. Quand le programme, soudainement, est interrompu par une édition spéciale, il est alors 22h15. Nous interrompons ce film. Le président de la République est mort. Un communiqué du secrétariat général de la présidence de la République vient de signaler que M. Georges Pompidou était décédé à 21h ce soir. Ce communiqué est signé du professeur Vignaloux, le médecin de M. Pompidou. Le président de la République est mort. L'annonce prend tout le monde de court. Atteint de la maladie de Waldenström, une forme rare de leucémie, Georges Pompidou a tout fait pour garder sa pathologie secrète. Le monde politico-médiatique bruissait bien de rumeurs, annulations de déplacements, petites maladies à répétition, silhouettes déformées, visages bouffis par la cortisone. Le président est malade, chuchote-t-on dans les couloirs. Quelques jours plus tôt, le 27 mars, il assiste au Conseil des ministres comme si de rien n'était, dissimulant sa souffrance dans la dignité et le courage. Mais rien ne laisse pour autant présager une mort imminente. Dans les états-majors politiques, c'est le branle-bas de combat. Imaginez l'ébullition dans le Landerneau alors que le placide Alain Poher, le président du Sénat, assure l'intérim à l'Élysée comme le veut la Constitution. Le scrutin est décidé pour le 5 mai, soit un mois plus tard. Le 4 avril, deux jours seulement après le décès de Georges Pompidou, Jacques Chaban-Delmas se déclare candidat pour l'UDR, les gaullistes. Quatre jours plus tard, c'est au tour de Valéry Giscard d'Estaing pour la droite centriste. Suivent François Mitterrand pour l'Union de la gauche et une flopée de candidats qui viennent plus pour promouvoir leurs idées que pour être élus. Mais que ce soit du côté des stars, de la politique ou des concurrents faire valoir, les associations écologistes ne trouvent rien. Non, aucun candidat ne parle d'écologie. Le choc pétrolier de 73 et l'opposition au nucléaire ont pourtant renforcé l'idée environnementale ces derniers mois. Oui, mais voilà. Les enjeux environnementaux, donc, sont tout simplement absents du débat politique. C'est la norme. Alors, face à ce constat désespérant, et sur le principe selon lequel on n'est jamais mieux servi que par soi-même, les écologistes décident de présenter un candidat. Le problème, c'est que le mouvement à cette époque est un conglomérat de plusieurs dizaines d'associations. Parmi elles, les Amis de la Terre de Brice Lalonde et l'Association des journalistes de l'environnement portée par Philippe Le Breton et Jean Carlier, directeur de l'info RTL. Ces derniers approchent Philippe Saint-Marc, haut fonctionnaire et pionnier de l'écologie humaniste. Il est probablement la figure la plus identifiée du mouvement. Mais il décline, car il ne croit pas à la création d'un parti écologiste. Non, lui, il prône l'écologisation des autres partis. Incroyablement visionnaire, car c'est exactement ce qui se déroulera quelques années plus tard avec les Verts. L'explorateur et scientifique naturaliste Théodore Monod, puis le commandant Cousteau sont à leur tour démarchés, nouveau refus et, surtout, vrai casse-tête. Les militants purs jus comme Brice Lalonde ou Antoine Lechter, respectivement 28 et 25 ans, sont encore trop jeunes. C'est alors qu'un nouveau nom fait son chemin, celui de René Dumont, un agronome mondialement reconnu. C'est Jean Carlier, le directeur de l'info RTL, qui a eu l'idée. Il vient de lire son dernier livre, « L'utopie ou la mort », un vrai manifeste écolo. Et le voici interrogé sur France Inter. Pour vous, ce livre est l'occasion de lancer un cri d'alarme. En quelque sorte, attention, la coupe est pleine, c'est bien ça? Oui, pendant longtemps, j'ai essayé de montrer aux riches qu'ils avaient intérêt à mieux aider les pauvres. Mais faire appel à la bonne conscience des riches, jusqu'à présent, je n'ai pas obtenu de grands résultats. Alors maintenant, depuis tout de même, les limites de la croissance de Medov, les travaux du Club de Rome, le cri d'alarme de Mansholt que Georges Marchais a popularisé. Depuis tous ces avertissements, nous savons mieux que le monde est une entité limitée, qu'il n'y a place que pour un certain nombre d'humains d'une part et pour un certain nombre d'activités d'autre part. En somme, le monde vient de perdre les pédales, vient de perdre le contrôle de sa croissance de population, vient de perdre le contrôle de son modèle de production et enfin vient de perdre le contrôle de son modèle de consommation. Bon, René Dumont n'est pas tout jeune, 70 ans, mais il est encore fringant et conserve un certain mordant, une impertinence presque juvénile. L'homme de gauche, il se dit socialiste, affiche un franc-parler, porte un message clair. Oui, vraiment, bon profil. Ce grand voyageur, tiers-mondiste patenté, a traîné ses guêtres d'agronome un peu partout. Des rizières d'Indochine aux fermes tropicales d'Afrique, il en a tiré une dizaine d'ouvrages au titre évocateur. Nous allons à la famine, par exemple, ou l'Afrique noire est mal partie, un best-seller, ou enfin, paysannerie aux abois. D'abord productiviste, il comprend dès le début des années 70 que la priorité doit aller à la protection de l'environnement. Et de par son métier, il est aux premières loges pour observer les transformations de la planète. Depuis plusieurs années, il dénonce le gaspillage et la mauvaise gestion des ressources naturelles. Nostradamus des temps modernes, il avait prédit l'abominable famine qui frappe le Sahel depuis le début des années 70. Pour Jean Carlier, c'est bien simple, René Dumont pourrait être un Cousteau de gauche. Le problème, c'est qu'en ce début du mois d'avril 1974, l'agronome est en voyage en Algérie. Il doit rentrer à Paris le 6. Ce samedi-là, à 23h30, son avion atterrit à Orly. Il est attendu à l'aéroport par une délégation composée de Georges Krasovski, émigré russe et Brice Lalonde, des Amis de la Terre. Dumont descend de l'appareil, encore vêtu d'une djellaba, à 10 000 lieues d'imaginer la proposition qui va lui être faite. Les deux émissaires lui expliquent qu'ils veulent lui parler et lui proposent de le ramener à Paris dans leurs deux chevaux. La voiture démarre et le duo commence son speech. Les émissaires vont droit au but. 28 associations écologistes se sont réunies et ont décidé de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Dumont doit être ce candidat. Eh bien, voilà une surprise. L'intéressé demande tout de même 24 heures de réflexion. Et rendez-vous est pris pour le lendemain, dimanche 7 avril. Brice Lalonde, Jean-Luc Burgunder et Jean Carrier frappent alors à la porte de la maison de René Dumont à Fontenay-sous-Bois, plein d'espoir. C'est d'accord, dit l'agronome. Il doit prendre 3 semaines de vacances avant de repartir en mission. Il est donc disponible, alors il accepte. Attention, une condition, qu'on parle du tiers-monde. Bien. Le lendemain, les 28 associations écologistes se réunissent à l'Institut d'agronomie de Paris et font de René Dumont leur candidat pour la présidentielle. Il devient alors le premier écologiste au monde à se lancer dans une élection majeure. Quelques jours plus tard, il expose les raisons de son entrée dans la compétition après que le présentateur a pris soin de préciser qu'il s'agissait là d'une candidature marginale sérieuse. Cette signification, c'est de défendre des points de vue qui ne seront pas défendus par les autres candidats, celle d'une menace extrêmement grave qui pèse sur notre civilisation, celle qu'a exprimée notamment le Club de Rome, celle qu'ont exprimée les écologistes anglais et celle qu'expriment l'ensemble des associations écologistes françaises qui s'inquiètent de plus en plus de voir une destruction inconsidérée de l'environnement. L'environnement est détruit par les autoroutes alors que les métros prendraient beaucoup moins de place. L'environnement est détruit par un urbanisme délirant alors qu'il n'est pas nécessaire que tous les Français se concentrent dans les villes. L'environnement est détruit par l'abus de l'automobile particulière qui est en train de consommer des quantités énormes de pétrole qui nous coûte de plus en plus cher, qu'on devra payer finalement en exportant les armes. Toutes sortes de menaces pèsent. René Dumont ne propose pas un simple changement de société, non. Et ses affirmations sont aujourd'hui évidentes, mais à l'époque, elles détonnent. En 74, les Trente Glorieuses vivent leurs dernières heures. Consommation et tourisme de masse se sont développés à vitesse grand V. Chacun ou presque possède maintenant son auto, son écran de télé et son robot Moulinex. À première vue, les arguments de Dumont ne vont pas peser lourd. Et puis il faut réunir les 100 signatures d'élus, ces âmes, pour se lancer dans la course à l'Élysée. Mal parti tout ça. Une vingtaine de volontaires profitent alors des vacances de Pâques pour sillonner la France. Au volant de leurs 2 chevaux, voiture la plus économe, ils vont arracher ces signatures, une à une auprès de maires ruraux, les plus sensibles au discours environnemental. Reste à régler la question de l'argent. Ah, le nerf de la guerre. Chaque candidat doit disposer d'une caution de 10 000 francs. Et là encore, les équipes de Dumont se débrouillent. On fait appel aux copains et on rassemble la somme par petite coupure de 10 francs. Le candidat écolo peut aussi compter sur les billets glissés dans les lettres envoyées par des contributeurs en France et aussi à l'étranger d'ailleurs. Le 16 avril, 40 minutes avant minuit et la clôture du dépôt des candidatures, René Dumont se présente au Conseil constitutionnel. Nous ne sous-estimons pas le fait que nous ayons été soutenus par, je vous dis maintenant, 200 représentants du peuple. C'est pour nous extrêmement important pour une cause que nous défendons, qui est pour la première fois défendue sur le plan politique, alors que jusqu'à présent on allait contacter les partis politiques et leur demander d'être bien gentils avec les écologistes et qui nous répondaient gentiment, naturellement, toujours gentiment. Mais enfin, avec une certaine commisération, maintenant, on va nous respecter. Pour quelle raison attendre la dernière heure pour déposer votre candidature ? Tout simplement parce que la loi précise qu'on a le droit de la porter jusque minuit. Si ma montre est exacte, il est 11h20, on a encore 40 minutes. Il y a des risques. Quels risques ? Qu'on rencontre un hold-up, qu'on nous vole notre serviette? Oui, évidemment. Mais enfin, jusqu'à présent, on a plusieurs serviettes et vous ne savez pas s'il est dans ma serviette ou dans une autre. René Dumont est peu conventionnel et c'est rien de dire. Mais le voilà officiellement candidat. Il est fantaisiste et peu nombreux sont ceux qui le prennent au sérieux. Certains lui reprochent tout de même de capter une petite partie de l'électorat du candidat de l'Union de la Gauche, François Mitterrand. Pourtant, chez les écologistes, hors de question d'appeler à voter pour lui au second tour, encore moins de se désister avant le premier tour en sa faveur. Ces principes sont posés d'entrée de jeu. Et comme le candidat Dumont ne fait rien comme tout le monde, il installe son QG sur une péniche, sur la Seine, sous l'œil et la surveillance du zouave du pont de l'Alma. La Seine, voie navigable commerciale, est habituée à voir des barges. Toujours est-il que le navire a été mis à disposition gracieusement par le président de la compagnie des bateaux-mouches, Jean Bruel. Un écolo ? Pas forcément, pas nécessairement, mais cet ancien du bataillon français de Corée, baroudeur dans l'âme, s'est pris d'affection pour l'aventurier René Dumont. Et surtout, il voit d'un très bon œil l'opposition farouche de l'écologiste à la mise en circulation des voies sur berge, ce qui serait une vraie menace pour ses affaires. Dumont, capitaine éphémère, pilote donc la campagne sur son embarcation avec Jean Carlier et Brice Lalonde pour second. L'homme travaille mais s'amuse aussi. Depuis sa chaise longue sur le pont, il savoure sa nouvelle position de roi en son royaume. Des volontaires affluent en effet de tout Paris pour prêter main forte et venir grossir l'équipage. Beaucoup de jeunes, notamment, qui débarquent sur leur mobilette, ce qui leur vaut d'être gentiment sermonnés par le capitaine. Vous ne pourriez pas venir à vélo ? Oh, pardon. Ça bouge, en tout cas sur la péniche. Le photographe Cartier-Bresson y passe régulièrement une tête et toutes les bonnes volontés sont acceptées. Un jour, une baronne balte se présente. Elle veut aider. Parfait. Dumont lui propose de devenir standardiste. Elle accepte. Bien que marginal, le candidat écolo voit affluer les journalistes à son QG. Il le reçoit sur le pont, au grand air. L'accès est libre, point de gorille pour les filtrer comme chez les autres candidats. Et puis alors, cette jeunesse dans l'équipe de campagne, que c'est rafraîchissant, au propre comme au figuré d'ailleurs. Car le 17 avril, une horde de reporters assiste et transite froid à la première conférence de presse officielle au QG de campagne de René Dumont. Ils sont si nombreux sur le tout petit pont qu'on craint de voir le navire chavirer. Symboliquement, le dossier de presse a été tapé à l'encre verte. Mais la prise de parole du professeur est moins excitante que son cadre. Reconvertir et réorienter les activités industrielles les plus nocives. Réorienter l'industrie automobile vers les transports collectifs. Nous demandons la priorité à la recherche de toutes les autres formes d'énergie. Nous demandons une agriculture repensée, en tenant compte des nécessités biologiques, en tenant compte de l'écologie. Pas grand discours, mais une énumération rébarbative et, il faut le dire, indigeste. Bref, cette première conférence de presse sur la péniche n'est pas franchement une réussite. Déjà que l'opinion publique est assez peu réceptive aux questions de défense de l'environnement, ce genre de prêchi-prêcha, non. Non, pour marquer les esprits et réussir à faire passer ne serait-ce que quelques idées, il va falloir frapper plus fort et faire trembler dans les chaumières. Oui, c'est ça, faire peur pour faire prendre conscience. Le candidat se mue alors en prophète de l'apocalypse. Oh, oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be lost. Oil wasted on the oceans and upon high seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. They used to be lost, radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby by our lives. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand that? Écologistes, on nous accuse d'être des prophètes de malheur et d'annoncer l'apocalypse. Mais l'apocalypse, nous ne l'annonçons pas. Elle est là, parmi nous. Elle se trouve dans les nuages de pollution qui nous dominent, dans les eaux d'égout que sont devenues nos rivières, nos estuaires et nos littoraux marins. On espérait tirer de ces eaux de la mer des ressources importantes. On pensait que ce serait le grenier de l'humanité de demain, ces eaux, ces estuaires, ces plateaux continentaux. Ce sont aujourd'hui nos poubelles, là où on jette tous nos détritus. Le 19 avril, comme les autres candidats petits et grands, René Dumont a droit à 8 minutes d'allocution filmée dans le cadre de la campagne officielle sur le RTF. Un truc poussiéreux qui met le candidat dans un décor à fond beige, arrête comme un i face caméra. L'occasion pour René Dumont de se présenter, mais certainement pas de rassurer. Au contraire, je ne suis pas un doux rêveur, assène-t-il d'entrée. Puis, il s'attaque à la voiture et fait la proposition extravagante d'augmenter le prix du super à 5 francs. À l'époque, il coûte 1 franc 50 le litre. Mais c'est ça ou la fin du monde? Car le candidat écologiste prend le parti de mettre en lumière les périls qui pèsent sur l'humanité en général et sur les Français en particulier. Sans illusion, en toute franchise, il cherche à annoncer l'imminence de la catastrophe. Et c'est dans cet esprit qu'il bat la campagne. Un homme propre pour une France propre. Son slogan, donne-t-on. Les questions soulevées par René Dumont et les écologistes sont graves. Il s'agit tout bonnement de la préservation de l'espèce humaine. Le programme s'articule donc autour de mesures fortes et radicales. Décroissance, malthusianisme, arrêt de la construction de centrales nucléaires et recherche de nouvelles énergies moins polluantes. Et puis, réduction drastique du temps de travail et limitation de l'utilisation des voitures au profit du transport collectif et du vélo. Autant dire qu'à l'époque, le candidat passe pour un fou. Mais il ne désespère pas de convaincre les Français, ne serait-ce qu'une poignée d'entre eux. Il entreprend donc un tour de France des points chauds. Le site de la centrale nucléaire de Fessenheim, les usines Pechiney dans les Alpilles ou encore le bocage breton. Et pour commencer en beauté, il choisit ce qu'il qualifie de summum de la pollution et de symbole de notre société démentielle. Le mardi 23 avril, il arrive en train à la gare de Marseille-Saint-Charles. Il a donné rendez-vous à une vingtaine de journalistes à Fos-sur-Mer. Fos, capitale de la pétrochimie. À l'époque, c'est même le plus grand complexe industriel d'Europe en la matière. Autrement dit, l'enfer sur Terre pour Dumont. Infatigable, le doyen des candidats galope, traînant derrière lui une nuée de caméras et de micros pour une visite guidée improvisée, allant d'usines gigantesques en sites plus pollués les uns que les autres. Très brouillonne, la tournée se heurte à des obstacles pratiques. Comme devant chez Naftachimie, une entreprise spécialisée dans la fabrication d'éthylène, propylène, essence, fuel, gaz et autres choses qui font si peur. Le candidat et sa caravane, c'est comme ça qu'il nomme le convoi, sont refoulés à l'entrée. La limite du territoire privé, c'est là. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Alors, on ne va pas franchir la limite du territoire privé. Non, il n'est pas question de franchir la limite du territoire privé. Nous allons poser solennellement la première pierre de la centrale de l'électricité de France qui doit s'élever en ces lieux. Nous espérons que le projet s'arrêtera, comme dans beaucoup de pays. Une fois qu'on a posé la première pierre, l'essentiel est fait, on s'arrête là. Bonjour, comment ça va? Ça va, les pêcheurs, qu'est-ce qu'ils pensent de tout ce qui se passe? Attention de ne pas vous... Vous inquiétez pas pour moi, j'ai le pied marin. Pêcheurs, il n'y a plus la vie. À Saint-Louis-du-Rhône, il n'y a plus la vie. À Saint-Louis-du-Rhône, il n'y a plus de... Il n'y a plus la vie. Il n'y a plus rien. Tout pollué. Derrière moi, une grande fabrique d'oxygène. Oxygène fabriqué en usine, en quantité industrielle, pour les besoins de la métallurgie. Je viens de voir le plus bel exemple de pollution qu'on ait jamais créé en France, conclut René Dumont. L'agronome est maladroit, certes, la séquence plutôt amusante, mais certains militants écologistes lui reprochent tout de même d'improviser un peu trop. René Dumont réussit-il à sensibiliser les spectateurs au danger de la pollution? C'est encore difficile à dire, mais le candidat marginal, selon les termes utilisés dans la presse, attire de plus en plus l'attention sur lui, et c'est bien là tout l'objectif d'une campagne. Dumont refuse catégoriquement de passer par les supports de communication traditionnels. Hors de question d'exposer sa trombine sur des affiches. Il fait également réduire la taille des tracts pour gaspiller le moins possible. Regrettable, estime-t-il, que 62 tonnes de papier et 1000 arbres aient été sacrifiés pour les besoins éphémères d'une campagne sans lendemain. Jusqu'au boutiste, il va jusqu'à intenter une action contre Giscard et Chaban, oui, pour avoir fait remplacer des affiches détériorées sur 4 panneaux en violation de l'article 51 du code électoral. Il réclame 24 000 francs de dommages et intérêts, rien que ça. Et puis, pas d'affiche, non, de tout petit tract pour se faire connaître. Le candidat de la nature continue son tour de France façon artisan et à chaque étape, il trouve le moyen de se faire remarquer. À Lille, par exemple, il traverse la ville avec 500 vélos. À Tours, il est à bord d'une calèche. Certains de ses partisans portent des masques à gaz. Dumont appelle les Français à se dresser physiquement contre la construction de nouvelles autoroutes. À côté de Mulhouse, il doit visiter le chantier de la désormais célèbre centrale nucléaire de Fessenheim, la première du genre sur le Rhin. Mais l'entrée de l'usine est refusée aux journalistes. Dumont refuse alors, à son tour, de mettre un pied sur le chantier. Ni une ni deux, il saute sur le capot d'une voiture et improvise une conférence de presse. Le soir même, après une traditionnelle traversée de la ville à bicyclette, il donne un meeting devant 500 personnes, en majorité âgées d'une vingtaine d'années. Oui. Et c'est mieux que Jacques Chaban-Delmas qui s'exprime au même moment dans la ville. Assez modestement, le candidat écologiste lâche cette phrase. Pour la première fois, l'utopie est entrée dans l'histoire. Dans les villes, il rencontre donc un certain succès. Contre toute attente, il séduit les jeunes urbains. La preuve, Actuelle, le magazine des branchés, prend fait et cause pour le candidat de la nature dans son numéro spécial élection. C'est bien. Mais c'est aux couches populaires et aux gens des territoires ruraux, là où la nature est particulièrement menacée, que le professeur d'agronomie veut s'adresser. Le 28 avril, il prend donc la direction du plateau du Larzac, où les exploitations sont alors menacées par un projet de base militaire. Je suis venu ici non pas seulement vous visiter, non pas seulement m'associer à votre protestation, mais je suis venu aussi participer à l'opération GFA. Je désirais prendre une action du groupement foncier agricole, personnel, une action. J'avais justement décidé de le faire un peu avant les élections, mais j'avais tellement de travail que je pensais pas à ce moment-là que la candidature m'amènerait ici. Donc je préfère le faire publiquement parce que j'estime qu'il faut appeler les Français, les Françaises, à acheter les terres du Larzac pour empêcher qu'elles soient achetées par l'armée. J'ai oublié de prendre mon carnet de chèques sur moi dans le départ, mais je pense que demain ou après-demain, je vous enverrai mon chèque. C'est 1000 francs d'action, n'est-ce pas ? Un geste symbolique. Nous sommes à une semaine pile du premier tour de la présidentielle. Il ne reste plus beaucoup de temps au candidat pour convaincre le plus grand nombre et réussir sa mission, le lancement de l'écologie en politique. Et le compte à rebours est lancé. La voiture, ça pue, ça pollue, ça rend con. À qui le vélo ? Nous sommes le 1er mai. Fidèle à lui-même, René Dumont termine son tour de France en Bretagne. Après 2 semaines à battre la campagne, la voix est éraillée, le corps commence à être fatigué. Alors, entre 2 rendez-vous, le professeur s'octroie une petite sieste dans l'herbe, quoi de plus naturel. Et le soir en meeting, il ne mâche plus ses mots. Vous avez des enfants de 12 ans qui sont fort capables de raisonner sur les problèmes politiques moins mieux que les adultes parce qu'ils n'ont pas été pollués. Parce qu'il n'y a pas que la pollution. Parce qu'il n'y a pas que la pollution industrielle. On va aller parler de la pollution de la Laïta. J'avais des inquiétudes parce que je croyais qu'ils voulaient me demander de me baigner dans la Laïta. L'autre jour, à Montargis, à côté de la maison qu'a ma femme à Montargis, un acteur américain, pour tourner un film, on a volé la Joconde. Quand il a vu le canal, il a dit, moi je demande de tripler mes honoraires de cette nuit pour me jeter dans cette merde. Hein ? Et moi j'ai trouvé que tripler, c'était pas beaucoup. Hein ? Bon, alors, il y a la pollution des rivières, il y a la saloperie. Mais il y a la pollution mentale. Tenez, sur tous nos murs actuellement, une pollution mentale, celle des eaux minérales. On vous prend pour des cons. Des esprits pollués, les Français apprécieront. René Dumont a beau pointer du doigt rivières et terrains pollués, annoncer cataclysme et fin du monde, il sent bien que le combat est loin d'être gagné. Alors, il promet la fin de la société triste, de la société métro-boulot-dodo, et il propose d'entrer dans la société de la joie. Les autres candidats regardent d'un œil amusé leur adversaire défenseur de l'environnement, mais se gardent bien de le critiquer. Plusieurs d'entre eux disent bien aimer et tentent de reprendre à leur compte certaines de ses thèses. Il n'est pas un concurrent sérieux, mais pourrait tout de même grappiller quelques voix utiles au second tour. Le vendredi 3 mai, René Dumont s'adresse pour la dernière fois aux Français et il trouve encore une formule qui fait mouche. Bonsoir mes amis, ce sont mes 5 dernières minutes et je ne voudrais pas que dans un demi-siècle, vos petits-enfants disent « Ce sont nos 5 dernières minutes si nous continuons notre attitude incompréhensive, irresponsable devant la dégradation de la nature. » On ne peut pas d'une part vouloir poursuivre la croissance, multiplier les centrales nucléaires, nous demandons le moratoire nucléaire, et d'autre part sauvegarder notre environnement, arrêter les gaspillages, il faut choisir. C'est sur ce point que je terminerai. Comme nous l'avons proclamé sur nos affiches, je vous dirai simplement, mes amis, le moment est venu, à vous de choisir. La campagne de l'écologiste est officiellement terminée. Reste à connaître le verdict des urnes. Le dimanche 5 mai à 20h, il tombe. 1,32% des voix pour René Dumont. Une misère. 337 800 voix pour la sauvegarde de la planète et la survie de l'humanité. On va pas se mentir, les militants sont déçus. Ils espéraient un plus gros score. Et surprise, c'est dans les beaux quartiers et les banlieues résidentielles qu'on a le plus voté pour Dumont, lui qui visait les classes populaires et proposait de réduire de moitié le train de vie des riches. Néanmoins, lorsqu'il prend la parole le soir des résultats, le professeur d'agronomie tire un bilan positif de sa campagne. Les premières estimations vous donnent plus de 1% des voix, alors quelle est la réaction de René Dumont et de son comité de soutien? Ah non, c'est pas 1% qu'elle me donne, c'est 1,2%. Plus de 1%, ah bon, plus de 1%, donc 1,2%, c'est 300 000 voix. C'est ce que j'avais déclaré à tous mes amis ce matin, donc je suis bien content parce que le nombre des écologistes dépasse très largement ce pourcentage. Dans notre courrier de 2500 lettres, nous avons le tiers qui nous dit « Nous voudrions que vos idées soient défendues, mais nous sommes engagés politiquement et nous ne voterons pas pour vous. » Souvent ils disent « Nous voterons Mitterrand. » Mais beaucoup d'entre eux nous envoient un petit chèque pour que nos idées puissent être diffusées. Donc, un sondage Publimétrie dit que 80% des Français maintenant sont, comment dire, conscients de l'importance des problèmes écologiques. C'était le but essentiel de l'opération. Objectif atteint parce que nous avons lancé le mouvement écologique sur le plan politique. Je l'ai mis en satellite. Maintenant, c'est aux jeunes à se battre. René Dumont est peut-être satisfait, mais sur la péniche, la croisière ne s'amuse plus vraiment. Parce que les questions arrivent. Que va devenir le mouvement? Est-ce que c'était un coup pour rien? Une chance a-t-elle été gâchée? Et si la campagne électorale avait été bâclée? Les semaines qui suivent confirment cette vision pessimiste. Le mouvement se divise. Il faudra attendre 10 ans pour voir naître un véritable parti politique écolo, Écologie Les Verts. Mais s'il fallait désigner le prophète de la fin du siècle dernier en France, René Dumont pourrait être celui-là. Ses prédictions sont avérées et aujourd'hui, aucun parti politique, aucun candidat ou candidate, qu'il ou qu'elle soit sincère ou non sur la question, ne peut ignorer la préoccupation écologiste. Mieux même, toute proposition politique, tout programme électoral aujourd'hui doit comporter une dimension écologique majeure. De ce point de vue, la campagne de René Dumont en 1974 fut un tournant, un événement majeur. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Le temps dure longtemps, et la vie sûrement. Et toujours en été, y a plein d'enfants qui se roule sur la pelouse. Y a plein de chiens, y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. On dirait le sud. Le temps dure longtemps. Et la vie sûrement. Plus d'un million d'années. Et toujours en été. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Notre invité aujourd'hui, c'est Antoine Wächter. Bonjour. Oui, bonjour. Vous présidez le Parti écologiste indépendant et votre nom est bien connu des Français puisque vous avez été député européen de 89 à 91, mais surtout, parce que c'est ça qui fait vraiment connaître, candidat à l'élection présidentielle de 1988 et vous avez participé localement comme militant à la campagne de René Dumont. Vous l'avez fréquenté souvent cette époque-là ou vous étiez peut-être trop jeune pour l'approcher? Disons que, comme d'autres, j'ai organisé en périphérie sa campagne électorale. Il est venu effectivement en Alsace, à la fois pour parler de la centrale nucléaire, ou plus exactement du projet de centrale nucléaire de Fessenheim, mais aussi du projet de canal à grand gabarit, où un certain nombre de maires concernés lui avaient apporté d'ailleurs leur parrainage. Et puis par la suite, René Dumont a soutenu pratiquement toutes les campagnes vertes pendant un certain nombre d'années. Il était encore présent 14 ans plus tard lors de ma campagne présidentielle et par conséquent effectivement c'est à ces occasions. Alors on va dire je ne l'ai pas fréquenté au sens très intime, mais je l'ai croisé à plusieurs reprises. Alors vous n'avez pas fréquenté de façon intime, mais est-ce qu'il est pour vous et pour tous les responsables politiques écologistes votre père spirituel? En tout cas, sur la manière de faire, oui. Il faut tout de même se rendre compte que à 70 ans, avec une notoriété bien établie, il y a peu de gens qui sont capables d'avoir le courage de prendre le risque d'entrer dans une campagne présidentielle avec cette volonté, finalement, de susciter l'intérêt, de provoquer le buzz, comme on dirait aujourd'hui. Oui. Là, il fallait du courage. Et je crois que, compte tenu de sa situation, il n'avait plus rien à démontrer en tant que personnalité. Il l'a fait. Il l'a fait à la demande de jeunes, d'ailleurs. Vous citiez, d'ailleurs, c'est assez significatif, ces assemblées essentiellement constituées de jeunes. Oui. Et je dois dire que j'ai parfois l'impression, c'est malheureusement peut-être plus qu'une impression, qu'il y a eu cette jeunesse en 1974 et que ce sont les mêmes, mais en grossissant un tout petit peu, en 7 ans plus tard pour Lalonde, 14 ans plus tard pour moi-même, et qu'aujourd'hui encore, quand on regarde les assemblées écologistes, on voit que ce sont finalement ceux qui ont fait les campagnes de René Dumont. On a le sentiment que c'est une génération qui est montée après lui et qui est encore là. Ouais, c'est vrai. Malheureusement, on a perdu évidemment quelques collègues. Mais les jeunes aujourd'hui n'ont plus cet engagement aussi massif. Vous avez fait le travail à leur place aussi, il faut dire. C'est bien. D'ailleurs, je me mets dans votre tête, là, juste quelques secondes. Je me dis quand même, quand on a participé à ce combat, il fallait vraiment parler fort pour qu'on nous entende et qu'on voit à quel point l'écologie, c'était ma conclusion, est incontournable. Il doit y avoir un sentiment de vrai succès. Ça doit être fort de se dire qu'on prêchait dans le désert et qu'on est maintenant les plus écoutés, finalement. Oui, il faut d'ailleurs, je crois que pour bien comprendre la campagne de René Dumont, il faut la resituer dans son contexte. C'est ce qu'on a fait. Il y a eu, on est les Trente Glorieuses, le tracteur et le bulldozer sont en train de déménager la France. Nous sommes dans une situation de plein emploi. La croissance n'est pas une véritable nécessité. Aujourd'hui, on dirait que c'est une nécessité pour augmenter le pouvoir d'achat ou créer des emplois. Ce n'est pas le cas à l'époque. C'est une sorte de philosophie. Il faut croître, il faut être fort. C'est la France forte. Et par conséquent, le discours de René Dumont c'est pas un discours, c'est un discours qui est possible parce que c'est un choix philosophique. On n'est pas dans une situation où on a le couteau sur la gorge parce qu'on a un chômage à 10%. On a un chômage qui est quasiment inexistant. Parallèlement à ça, des centaines d'associations naissent chaque année. Et c'est ces naissances qui va donner d'ailleurs l'idée à Pompidou de créer le ministère de l'Environnement qui naît au mois de janvier 1971. Donc on est véritablement dans ce contexte-là. Et ce qui avait été demandé, souhaité à René Dumont, c'est précisément de, à la fois de créer une dynamique qui permette à une écologie politique de naître, parce que l'offre politique à droite et à gauche n'existe pas dans ce domaine. Et alors, aujourd'hui, on peut dire, honte à moi, honte à nous, honte à tous ceux qu'on a connus, qui, en 1974, ont ricané, hein. On a ricané, voilà, et honte à nous aujourd'hui. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que l'écologie, si elle avait une place, c'était finalement un choix difficile par rapport au choix du confort, hein, du développement industriel. Et c'est à cause de ça, vous pensez que c'était difficile à mettre en place? J'ajoute quand même que l'écologie est une certaine forme de morale. Il y a une morale là-dedans. Il y a une morale vers ce qui n'est pas le tout confort. Oui, tout à fait. C'est-à-dire, donc ça peut aussi rebuter, même si c'est absolument nécessaire. Ça peut rebuter aussi ça. Tout ça a joué, vous pensez? C'est une morale vis-à-vis de la nature. C'est une morale aujourd'hui vis-à-vis de l'animal aussi. Il y a effectivement bien des éléments qui sont introduits. Mais je suis tenté de penser que les choses sont plus difficiles aujourd'hui qu'elles ne l'étaient à l'époque. Pourquoi? Tout simplement, d'abord parce que effectivement, il y a le chômage, parce qu'il y a ces revendications de pouvoir d'achat, parce qu'il y a un environnement planétaire qui paraît de plus en plus fragilisé, déséquilibré. Et j'ai l'impression qu'on est un peu comme ces gens qui ont peur, qui s'accrochent en quelque sorte à une rambarde et qui n'ont pas le courage de sauter le pas. C'est plus difficile aujourd'hui de faire comprendre qu'il faut changer de monde. On le voit bien dans toutes les discussions. On a eu une loi, prenez simplement cet exemple, on a une loi de transition énergétique pour la croissance verte. Déjà, la croissance verte, c'est un oxymore. Jamais René Dumont n'aurait accepté une terminologie pareille. Mais quand on voit la loi elle-même, qui est une somme de contradictions, où on a finalement associé des demandes totalement contradictoires d'un certain nombre de groupes de pression, on continue finalement dans une logique qui consiste à faire des autoroutes, vous voyez le contournement autoroutier de Strasbourg. On continue à imaginer que l'avenir, c'est dans la grande technologie, comme par exemple la multiplication des aérogénérateurs dans le pays, etc. Et on sait de lobby. Ça nous renvoie, vous vous souvenez de ce qui s'est passé ici, quand Nicolas Hulot a annoncé qu'il démissionnait. C'était plus qu'un moment médiatique, c'était un moment humain, hein, qui était très fort. Et justement, il avait cette espèce, alors surtout pas de découragement, mais de constat dur, quoi, qui est celui que vous avez là, tout à fait, cet après-midi. Alors, il y a la question, on va passer à la question de la représentation politique des écologistes, avec cette fameuse question, l'écologie est-elle de droite ou de gauche? C'est vrai qu'aujourd'hui on se la pose moins parce qu'elle est transversale, mais très longtemps on se l'est posé légitimement d'ailleurs. On l'a dit, hein, René Dumont, 74, 1,3% des voix. Alors, 1,3% c'est toujours bon à prendre pour les deux candidats qui arrivent au second tour. Évidemment, donc on drague, hein, c'est classique. Et la question arrive incontournable, l'écologie est-elle intrinsèquement de gauche? Réponse, enfin élément de réponse dans le JT de 13h sur l'ORTF, à l'époque et non. 30 minutes d'entretien hier entre François Mitterrand et le professeur Dumont. Ceci après l'arrivée impromptue en fin d'après-midi du candidat écologique à la Tour Montparnasse. Manifestement, leur échange de vues a été positif. Nous avons affirmé une position politique résolument anticapitaliste et nous savons que dans le cadre d'une politique socialiste, nous pourrons développer nos projets. Mais nous voulons écologiser la vie politique française et persuader tous les partis politiques de l'importance de ces problèmes que nous soulevons, de changer la structure de notre civilisation. Par ailleurs, nous sommes en train de politiser le mouvement écologique en lui donnant une orientation politique définie. Cette orientation se situe à gauche. Alors, qu'en pensez-vous, Antoine Wächter? Vous êtes beaucoup exprimé sur cette question-là, notamment. Oui, mais je pense que si on avait posé la question à René Dumont 14 ans plus tard, il n'aurait peut-être pas répondu de la même manière. Il faut tout de même rappeler sur quels engagements François Mitterrand avait été élu. Lesquels engagements n'ont jamais été réalisés. En réalité, l'écologie, de mon point de vue, n'est pas à droite, n'est pas à gauche. L'écologisme, c'est une politique à part entière. C'est la seule vision qui prend en compte les limites de la planète. Donc, on est en dehors de la logique de la croissance. C'est la seule vision politique qui donne un poids à une dimension non matérialiste, non monnayable, qui est la beauté du monde. C'est la seule vision politique qui met l'animal aussi dans un contexte, je dirais pas à l'égal de l'homme, non, bien évidemment, mais en tout état de cause, une sensibilité qui doit être prise en compte. En d'autres termes, le refus de ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. C'est ça. D'ailleurs, à ce propos, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais le mot environnement, il est étrange finalement, parce qu'il place l'homme en position centrale, et ce qui est la nature, c'est quand même le plus important, qui dépasse largement l'homme, ne vient que les alentours de l'homme. Donc peut-être qu'il faudrait y penser à ça aussi. Tout à fait, le premier ministère s'appelait le ministère de la protection de la nature. C'est mieux, hein, la nature que l'environnement. Voilà, il a fini par évoluer, par devenir le ministère de l'environnement, c'est-à-dire qu'on est dépassé à une vision très utilitariste des choses. Et par exemple, lorsque nous défendons la biodiversité, bien évidemment, on peut lui trouver de nombreuses raisons en fonction de nos intérêts. Mais la biodiversité, c'est ce qui fait la beauté du monde. Est-ce que nous avons le droit de toucher à cette beauté du monde ? Alors, on revient en 74, on va revenir, on va reparler, on aura une ou deux minutes, même plus j'espère, pour parler de l'offre écologique aujourd'hui, mais je voudrais revenir quand même, pour boucler la boucle, sur ce qui s'est passé après 1974, quelle suite les associations écologistes ont-elles donné à cette entrée en politique ? J'ai cru comprendre qu'il y a eu un moment un petit peu difficile, ça s'est un peu scindé. Comment ça s'est passé après 74 ? Il y a eu une réunion à Montargis où finalement tous ceux qui avaient soutenu René Dumont se sont retrouvés et ont créé le mouvement écologique. Le mouvement écologique, dès le mois de septembre, a perdu ses libertaires et a perdu Brice Lalonde, qui n'a pas voulu participer à la démarche. Mais le mouvement écologique a continué à exister. Le problème du mouvement écologique, c'est que c'était une fédération. Une fédération de mouvements de protection de la nature, donc avec des individus qui s'investissaient en politique au moment des élections. Ce n'est pas une bonne manière, évidemment, de construire une assise. Ce qui fait que ce mouvement écologique est devenu la coordination interrégionale des mouvements écologiques en 1978. Ça a été la fusée, le premier étage de la fusée qui a porté la liste aux élections européennes de 1979, Europe écologique. Absolument. Liste conduite par Solange Fernet à l'époque. Nous n'avions pas suffisamment d'argent, sans quoi il y aurait déjà eu des élus. Mais d'autres ont compris que l'écologie pouvait effectivement avoir un avenir électoral. Et je dirais, d'une certaine manière, ça a été un succès, mais ça peut-être était un succès à la Pyrrhus, parce que immédiatement derrière, se sont mobilisés des gens qui jusqu'à présent étaient au PSU, qui par contre étaient porteurs non plus de la même vision d'indépendance ou d'autonomie qui était la nôtre, mais une vision d'inscription à la fois dans un pouvoir politique très formel, mais à gauche. Et c'est cela finalement qui a ensuite pollué, je dirais, toute l'histoire de l'écologie politique. Et pourtant, c'était assez logique, ça l'est encore d'ailleurs, leur raisonnement. À partir du moment où on met des contraintes utiles, hein, positives, écologiques, on est l'empêcheur de faire des profits en rond, de faire des capitaux. Ça va à l'encontre du profit pour le profit. Et c'est quand même une valeur qui a toujours été portée essentiellement par la gauche, ça. Donc c'est pour ça qu'on peut penser aussi que l'écologie est consubstantielle d'un projet de gauche. Oui, ce qui est certain, c'est que l'écologiste ne peut pas être d'essence libérale. Elle voilà, peut pas c'est être... ce que je voulais vous entendre dire. Voilà, mais elle peut pas non plus être d'essence socialiste au sens où on l'a vécu, c'est ça la difficulté. Alors voilà, c'est oui, alors certains disent elle est de droite et de gauche, mais moi je dis que au-delà de cette appartenance à une histoire multipartisane, il y a aussi et surtout des valeurs que seuls les écologistes sont en capacité de porter. Eh ben soyez aussi forts que les partis traditionnels, enfin cela dit qu'ils sont plus très forts aujourd'hui. Soyez aussi forts que les autres, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On va repartir au 30 janvier 1984 sur Antenne 2 pour la création d'un véritable parti écologiste unifié, dernier archive que nous écoutons ensemble. Les convergences qui ont fait que nous sommes... Les Verts, aujourd'hui réunis dans un seul mouvement, grâce à la fusion des deux grandes tendances, le Parti écologiste et la Confédération écologiste. Ils se lancent donc dans la bataille européenne, cette fois non pas dans une alliance de circonstances, mais avec une organisation structurée et durable. Quant à la candidature de Brice Lalonde, elle n'a pas été retenue. Brice Lalonde, après les élections présidentielles, n'a pas participé, disons, à la construction de ce mouvement qui finalement est né hier. Il se trouve donc que les militants qui étaient présents hier et avant-hier à Clichy ont préféré donc s'abstenir de l'élire sur la liste européenne. Et comment vous situez-vous sur l'échiquier politique, à gauche, à droite, au centre? C'est une des raisons qui nous ont fait refuser les propositions de Brice Lalonde, qui nous proposait, disons, une alliance, comme il dit, libéralo-libertaire, c'est-à-dire, en gros, du centre-gauche aux autogestionnaires. L'écologie politique est un phénomène radicalement nouveau sur le spectre politique français. Nous ne sommes ni de droite ni de gauche. Nous construisons quelque chose de nouveau. Antoine Wechter, l'écologie, c'est la défense de la nature ou c'est un projet politique global et donc sociétal, économique, culturel? C'est un projet politique global. Qui est culturel, qui est sociétal. Ça n'a pas toujours été votre positionnement, ça. Vous si, avez évolué. Si. Je veux quand même vous rappeler que comment finalement tout cela est né. Ce sont les associations de protection de la nature, effectivement, qui sont retrouvées en face d'une multitude d'agressions. Ce soit les remembrements, les autoroutes, les centrales nucléaires, etc., qui se sont dit, bon, on va faire quelque chose. Et alors, ce quelque chose était très naïf au départ. L'idée, c'était d'élaborer des politiques alternatives et de les proposer aux ministres. Alors, on l'a fait, on s'est réunis à nombreuses reprises, et puis nous n'avons eu, bien évidemment, que des accusés de réception. À partir de là, à la fin de 1972, moi, je leur ai proposé une autre démarche. Les élus ne sont sensibles qu'au bulletin de vote. Donc, il faut les attaquer sur le bulletin de vote. Donc, présentons des candidats aux élections législatives qui arrivent en 1973. Personne ne m'a suivi. Et nous avons présenté une candidature à Mulhouse, 1973, avec la création du premier parti écologiste, probablement en Europe, Écologie et Survie. Mais la création s'est faite avec le parrainage d'Edward Goldsmith, qui était venu de Grande-Bretagne et qui, voyant cette initiative, a créé le Green Party en Grande-Bretagne. Et pratiquement dans les mois qui suivent, on a eu le parti écologiste Genevois. Ouais. Donc les trois premiers partis, tous indépendants, autonomes. Et quelle était votre réaction quand, en 1983, vous avez vu les Grünen débarquer au Bundestag? Ça, c'était important quand même. Oui, il faut rappeler que les Grünen ont démarré plus tard que les Français. Ouais, enfin quand même, ils sont arrivés bien en nombre bien plus grand à l'Assemblée allemande, au Bundestag. Exactement. Donc de ce point de vue, c'était plus réussi que vous. Au bénéfice d'un scrutin proportionnel, c'est avec vrai. Des moyens financiers qu'il aurait attribués. Non, proportionnel, vous avez bien raison de le rappeler. Bien dans sûr. Un contexte institutionnel très différent de celui de la absolument. France. Absolument. Tout à fait. En quelques secondes, Antoine Wechter, vous vous sentez heureux aujourd'hui? Vous êtes un homme heureux par rapport au combat que vous avez mené? Le combat de l'écologie par rapport à l'avenir de l'écologie et par rapport à la prise en compte de cette idée-là dans la vie politique française. Vous êtes heureux, satisfait? Je ne regrette rien de ce que nous avons fait, mais je ne peux pas dire aujourd'hui être satisfait. Car j'ai le sentiment que les menaces se sont accrues. Je rappelle tout de même que le discours du MIT a 40 ans, et que j'ai le sentiment qu'il n'y a pas grand-chose qui a évolué, à part une certaine prise de conscience. C'est peut-être le début de quelque chose, après tout. Ça commence par là, début, mais voilà. C'est long. Effectivement, merci Antoine Wechter. Au revoir. Merci à vous. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, la campagne présidentielle de l'écologiste René Dumont en 1974. Émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr, bien sûr. Merci à Ludovic Asselot qui était à la technique aujourd'hui.